conduit vers la vie, l'autre vers la poussière. Tu avertis avec amour, tu ne parles pas pour condamner, mais pour garder ton peuple dans la route de la vérité. Ce que tu demandes au cœur humain, ce n'est pas la perfection, c'est de choisir chaque matin entre l'ombre et la lumière de ton nom. Choisissez la vie, choisissez la paix, marchez dans la lumière, ne retournez pas en arrière. Choisissez la vie, choisissez la voie, car je suis l'Éternel, celui qui marche avec toi. Tu sépares le sacré du trouble, tu poses des bandes pour protéger. Car l'amour sans vérité finit toujours par se briser. Tu rappelles que l'âme est précieuse, que le corps n'est pas un jeu, que l'homme est plus qu'une poussière, il est un souffle nu de Dieu. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa vie, son relèvement. Tu cries encore dans sa douleur, reviens. Tu es un père qui retient ses enfants au bord du pire. Même quand la justice frappe, ton cœur reste rempli d'amour. Et derrière chaque avertissement, il y a toujours ton secours. Choisissez la vie, choisissez la paix. Marchez dans la lumière, ne retournez pas en arrière. Choisissez la vie, choisissez la voie, car je suis l'Éternel, celui qui marche avec toi. Nous choisissons la vie, nous choisissons ta voie.